La cérémonie de signature du protocole pour la collaboration dans le secteur de la santé publique entre le gouvernement de la République populaire démocratique de Corée et celui de la République du Congo a eu lieu le 24 mars à Pyongyang en présence de notre côté de Kang Ha-guk, ministre coréen de la santé publique et des officiels intéressés, et du côté congolais, des membres de la délégation du gouvernement conduite par la femme ministre de la santé publique et de la population, Jacqueline Lydia Mikolo. Les deux ministres ont signé le protocole. Par ailleurs, le même jour, les deux ministres ont eu un entretien à Pyongyang pour la collaboration plus étroite entre les deux pays dans le secteur de la santé publique.